ça c'est bon but. Autour du feu, présenté par Plantcaster et Damien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier enregistrement d'Autour du feu, votre podcast hebdomadaire analysant les épisodes de votre jeu d'aventure préféré, Koh-Lanta. Merci à tous les intervenants radio qui sont là aujourd'hui, on va les présenter les uns après les autres. Pour commencer, je vous demande d'accueillir Damien. Salut Damien. Salut Plantcaster, ça va? Dis-moi, présente-toi en quelques mots s'il te plaît. Ok, donc moi je m'appelle Damien, j'ai 31 ans, je viens de la Sarthe, je suis fan de Koh-Lanta et j'ai participé à deux ORG, donc j'ai été finaliste de Sgorg Panama et sixième de Sgorg All-Star. Merci à toi. Avec nous également, peut-être l'une des personnalités les plus connues des fans de Koh-Lanta, le créateur de Big Forum, j'ai nommé Felouz. Bah bonjour tout le monde, hein, ravi d'être là. Donc bah moi je me présente, donc je suis un gros fan de Koh-Lanta déjà depuis des années, enfin avant même que j'ai accès à internet. Donc voilà, j'ai désespérément cherché des forums traitant du sujet. J'en ai trouvé quelques-uns mais rien ne me satisfaisait pleinement et donc bah j'ai décidé au final de créer Big voilà avec un autre collègue mais qui maintenant n'est plus là. Et puis, eh bien, j'ai aussi fait donc, des jeux en ligne, notamment via ComLive. Donc, j'ai fait le Survivor LiveNet 2 et le Big Brother numéro 1. Donc, voilà, j'ai terminé F3 et F2 du truc. Donc, voilà. Merci à toi, Felouz, pour cette explication claire et détaillée. Avec nous également, une autre personnalité connue des ORG français, j'ai nommé Cruyffismo. Salut, Cruyff. Salut. Donc, je m'appelle Jade, je suis libanais, je pense être le plus jeune ici, j'ai 17 ans. Et donc, je suis le fondateur d'une des ORG françaises qui est Sgorg. Et ouais, du coup, grand fan de Koh-Lanta aussi. Je regarde depuis 2010 et j'ai rattrapé les saisons en retard. Et ouais, du coup, je suis très content de participer au podcast aujourd'hui et j'espère qu'on va avoir une très bonne discussion. Merci à toi, Cruyff. Et enfin, notre dernier intervenant, il est lui aussi un joueur d'ORG. Je vous demande d'accueillir Clément. Coucou. Donc, du coup, moi, c'est Clément. J'ai 20 ans, je viens du Schnorr. Donc j'ai participé à plusieurs orgs, en particulier Sgorg où j'ai fait 10e et 11e, c'est pas fameux. Et je tiens aussi moi-même ma propre org sur plutôt Koh-Lanta que Survivor. À mon tour de me présenter, donc je suis Plantcaster, je serai l'animateur de ce premier épisode d'Autour du Feu. Je suis un ancien joueur d'ORG anglophone, donc 6 participations, 4 fois le top 5, 2 finales, 1 victoire. J'ai pris ma retraite l'an dernier. Et je suis très content de vous accueillir pour ce premier épisode d'Autour du Feu qui, chaque semaine, vous permettra de participer à un débat sur l'analyse des épisodes de Koh-Lanta, la saison 21, intitulée « La guerre des chefs ». La nouveauté est dans le nom de la saison « La guerre des chefs ». Cela veut dire qu'il y aura un chef par équipe, il y a 3 équipes de 7 candidats. Et ces chefs-là ont été désignés après avoir remporté une certaine épreuve, un classique de Koh-Lanta. Damien, je te laisse expliquer la situation. Donc la guerre des chefs, c'est-à-dire que les poteaux ont été faits à 21 et du coup les trois premiers, les trois qui restaient sur les poteaux ont un petit peu la chance, mais peut-être pas d'être chef d'équipe. En gros, moi, mon analyse là-dessus, c'est si j'avais été à leur place, je pense que j'aurais chuté bien avant parce que le but ultime dans Koh-Lanta, qui est un jeu social, ça reste quand même de pas être directement visible. Et quand vous êtes chef, malgré le collier d'immunité, il y a toujours un moment où vous risquez de vous prendre un putsch en pleine tronche, quoi. C'est vrai que là-dessus, je suis d'accord. Après, dans l'explication même de l'épreuve, la volonté d'ALP, qui est donc la production de Koh-Lanta, était vraiment d'insuffler une nouveauté au sein de la nouvelle saison, sachant que c'est une nouveauté officieuse, puisque normalement elle aurait dû intervenir bien avant, avec la fameuse saison qui a été annulée. J'aimerais quand même vous demander vos avis, donc Clément, Cruyff et Felouz, sur les trois vainqueurs, tout simplement, les trois vainqueurs des poteaux. Enfin, Béatrice, chef de l'équipe jaune, Maxime, chef de l'équipe bleue, et il me semble que c'est Émilie qui est chef de l'équipe rouge. Messieurs, donc Felouz, Clément, Cruyff, qui veut donner son avis, qui veut commencer? Déjà, je voudrais faire une mise en perspective, même si Plantcaster, tu l'as très bien dit, c'était la saison 19 qui aurait dû s'appeler la guerre des chefs. On retrouve les mêmes twists. Il faut savoir aussi un truc, c'est que les candidats qui sont partis donc faire la saison 20, eh bien, se retrouvent dans quelque chose en fait qu'ils connaissent déjà ou qu'ils sont censés connaître. On l'espère pour eux, on espère qu'ils se sont renseignés avant, parce que le twist a rien de nouveau. On s'y attend, on sait que ça va être ça, et c'est reparti, et voilà, les 21 poteaux, etc. etc. Donc franchement, bon, on voit quand même le manque d'imagination d'ALP sur ce coup-là, ils nous ressortent le truc qu'on attendait dans la saison 19, et ma foi, c'est vraiment qu'ils doivent croire à leur twist pour sortir un truc pareil. Pour l'instant, de ce qu'on a vu, ça n'apporte strictement rien au jeu, si ce n'est, comme ça l'a été dit aussi par Plancaster, que finalement, ou par Damien, je ne sais plus, que finalement, en fait, enfin, les chefs, les trois chefs, se retrouvent avec les projecteurs braqués sur eux. Alors, ça peut être intéressant dans le sens où on a deux chefs qui sont deux femmes. D'habitude, les femmes sont quand même les laissées pour compte, surtout dans les premiers épisodes de Koh-Lanta, ouais. Du moins... À ce niveau-là, elles sont pas laissées pour compte quand il s'agit évidemment de montrer des clashs, etc., etc. Mais dans le niveau du moins chef, enfin dans le niveau de leader, les femmes sont en général laissées pour compte. Alors là, c'est très bien. Je pense qu'ALT savait ce qu'il faisait parce que traditionnellement, les poteaux sont quand même majoritairement gagnés par les femmes. Donc je pense que c'est ce qu'ils voulaient aussi. Donc ça, c'est plutôt une chose de bien. En revanche, bah pour le pauvre Maxime qui se retrouve propulsé chef, qui avait déjà, je pense un projecteur braqué sur lui, c'est pas vraiment, vraiment la place idéale. Et d'ailleurs, on l'a vu dans cet épisode, je crois qu'on va y venir plus tard. Je trouve que c'est pas donné, c'est pas laisser le choix aux gens. Et c'est toujours le même problème quand ils ont pas le choix, alors que en plus c'est d'entrée de jeu, c'est toujours très difficile ensuite d'en sortir vivant. Vas-y, Cruyff, alors j'en profite quand même pour dire que Apollo confirme ce que dit Felouz en disant que l'épreuve est déséquilibrée en plus de base. Et que oui, Hugo nous rajoute que ça fait du bien de voir des femmes comme Émilie et Béatrice qui sont assez intéressantes, alors que généralement, oui, c'est vrai que les femmes sont plutôt mises de côté, comme nous l'a dit Felouz. Cruyff, c'est à toi. Et d'ailleurs, si je peux rajouter quelque chose, Plancaster, c'est que sur les 5 derniers sur les poteaux, il n'y avait qu'un seul homme pour 4 femmes. Donc ça, c'était plutôt une consigne, ça. C'était pas les 7 derniers même? Je sais pas, par contre. C'est que les 5 derniers, c'était quatre femmes, un homme. Je pense qu'il y avait Sophie et Karine aussi qui sont allées loin, en plus de Chloé. Et oui, faudra revoir ça. Cruyff, vous voulez la parole? Cruyff, on te la donne, vas-y. Ouais, voilà, donc je voulais juste ajouter un truc, c'est que déjà de 1, il commence une épreuve avec 21 poteaux, mais de 2, la chose sur laquelle il base vraiment la saison, qui est donc les chefs, il garde ça un peu d'une manière assez implicite, ils ne disent pas aux candidats que si vous gagnez les poteaux, vous êtes chef d'équipe. Et du coup, on a 3 gagnants qui pensaient faire une épreuve assez classique, même si je pense qu'ils avaient une idée derrière la tête que forcément... 3 gagnants, il y avait peut-être quelque chose derrière. Mais le fait qu'ils ne leur disent pas que vous allez être les chefs des équipes et que les chefs allaient avoir une importance capitale, ça fait que ça fausse un peu l'épreuve parce qu'on n'a pas vraiment eu des gens qui peut-être se seraient dit « j'ai pas envie d'être chef » ou bien « j'ai envie d'être chef » et du coup, j'ai pas forcément été fan de ce coup-là. Et alors c'est vrai que ce qui aurait été peut-être un peu plus correct, c'est de donner uniquement à limite un brassard d'immunité un peu pour les 3 vainqueurs. Et qu'il soit un peu tranquille pour l'élimination, au moins pour la première. Ça aurait pu être un petit bonus de qualité, alors que là, tenez qu'ils ont un statut de chef, ils doivent composer la dynamique de la saison, ce qui fait qu'ils sont automatiquement dans le collimateur. Et c'est pas forcément un bon twist du coup. Clément. Alors, ils ont bracelet. Hein. Non, bien sûr, mais uniquement ça aurait été bien, tu vois, pas être juste chef, tu vois. Moi, je suis d'accord avec ça, parce que je pense que là, surtout en particulier Béatrice, je pense que c'est, des 3 chefs, c'est celle qui sera la plus rapidement en danger. Parce que je pense que c'est pas une personne qui a une personnalité de chef et qui est, va sûrement être en retrait, et ils vont vouloir prendre sa place et donc vouloir l'éliminer. Donc je pense que là, on lui impose quelque chose qui était pas forcément sa place, alors que pour Émilie, je pense que c'est elle qui a la meilleure place parmi les 3, et que les autres, ils vont rapidement entrer en danger. En plus, c'est vrai que Béatrice a déjà été sur le feu des critiques, notamment par l'un des personnages déjà mythiques de la saison, Victor. Sachant que ça allait un peu quand même assez loin, parce qu'il y a quand même des personnes qui ont limite accusé d'être raciste juste parce qu'il avait dit ce qu'il pensait à Béatrice. C'est vrai que ça peut faire peur, ça peut inquiéter Béatrice, alors que si elle n'avait pas gagné, ça aurait été une aventurière tout à fait classique avec ses qualités et ses défauts, comme on a vu précédemment dans d'autres saisons. Je confirmais ce que disait Hugo. Pour moi, Béatrice n'a pas les épaules pour être leader. Si elle avait voulu vraiment prendre les choses en main, elle aurait pris Victor et l'aurait privé d'être avec Émilie pour voir comment il se serait débrouillé. Oui, ça du coup, pour Victor, je pense qu'il n'est pas raciste. Il voulait être avec Émilie, bah il avait besoin de montrer à Béatrice qu'il... Surtout qu'elle le voulait dans son équipe de base, du coup, s'il lui disait gentiment, je pense qu'elle l'aurait quand même pris. Du coup, il fallait être assez direct, même si c'est pas le meilleur coup social à faire entrer Dieu, de te séparer d'une option comme ça. Surtout quelqu'un qui te veut dans ton équipe. Ouais. Complètement. Mais du coup, Béatrice, d'ailleurs, c'est ce qui m'a assez déçu, c'est qu'elle a laissé, Victor, et de deux, elle a laissé aussi, comment il s'appelle l'autre ? Xavier. Xavier, ouais, voilà. Oui, Xavier, c'est le vieux qui fait le poirier sur le bateau. Hein. Ouais, ouais, voilà. qui nous a tous scotchés. Et du coup, et donc pour citer un peu les personnes qui participent également à ce podcast, nous avons Jen Ledger, salut Jen, qui nous dit que Béatrice, selon lui, ne va pas faire long feu, qu'il a eu raison, qu'il trouve que Victor a eu raison de dire à Béatrice qu'il ne souhaitait pas aller dans son équipe. Et nous avons Apollo qui nous dit que si on accuse Victor d'être raciste, c'est uniquement de faire plus de bruit, comme on peut le voir habituellement sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que malheureusement, c'est une thématique qui revient souvent chaque année, un petit peu la démesure d'ailleurs des réseaux sociaux, qui a plus ou moins tendance à tous nous péter les couilles, hein, on va quand même dire ce qui est. Comme Yacine, avec Clémentine et puis Pascal après, quoi, genre, je pense que... C'est vrai que Clémentine, c'était assez encore... Bah là, les comparaisons entre Victor et Clémentine ont déjà fusé. Je pense que je comprends même pas pourquoi il y a encore des trucs avec Clémentine, genre Mel, on l'avait comparé avec Clémentine, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Victor, personnellement, je trouve que ce qu'il a fait avec Béatrice et son comportement global est complètement idiot, vraiment idiot, un imbécile total. Vraiment, quelle idée ! Il vient d'arriver, en plus, il vient d'arriver dans le jeu, il fait une alliance directe, mais non, au contraire, il faut laisser les chefs choisir, ne te mêle pas du truc, laisse les chefs choisir. C'est bon, t'auras le temps de te mêler plus tard de la stratégie, laisse-les choisir. C'est ce qu'on appelle le social game. Tu dois être bon socialement avec tout le monde, même avec les gens que tu n'aimes pas. Moi, je trouve qu'il a fait une grave erreur. Alors après, pour l'instant, ça ne s'est pas retourné contre lui. Mais qui nous dit que plus tard, ça ne reviendra pas dans le jeu ? Moi, je pense que si on nous l'a montré, c'est que ça va bien revenir à un moment donné ou à un autre dans le jeu. Et c'est une connerie monumentale. Et je trouve d'ailleurs que Béatrice a quelque part... Alors après, on peut critiquer le fait qu'il n'ait rien fait stratégiquement. Je pense qu'ici, si tout le monde avait eu le choix de jouer Kael, enfin la possibilité de jouer ce Kael-là, tout le monde aurait choisi d'un point de vue stratégique, même en faisant passer la chose autrement que stratégiquement. Mais je trouve que finalement, la manière dont Béatrice a géré la chose n'est pas si mal que ça. Moi, je trouve qu'elle a eu raison finalement d'en parler avec Maxime et de laisser plus ou moins Maxime prendre, on va dire, la décision du truc. Quand elle a vu que Maxime ne réagissait pas, elle en a fait de même et elle a continué comme si de rien n'était en laissant les trois autres ensemble. Et voilà ce qui s'est passé. Et je trouve que c'est pas si bête que ça. Et je trouve d'ailleurs que Béatrice, moi, je ne la vois pas partir si vite que ça. Je pense que Béatrice peut rester dans le jeu. Je pense même que son équipe peut vraiment être pas mal du tout. Pour l'instant, ce que j'en ai vu, son équipe, elle est pas mal, son équipe. On va prendre un peu quelques réactions ici. Donc, c'est assez unanime quand même, les avis sur Victor, sauf deux personnes, donc Jen Ledger, qui pense que Victor est très bien placé. Le problème, c'est que, comme le dit Felouz, ça va forcément lui retomber sur le coin de la tête à un moment donné. Et il y a également Njael, alors je sais pas comment on dit, Njael, je sais pas, qui pense qu'il ne faut pas fermer de porte, et c'est ce qu'il a fait avec Béatrice. Donc voilà, donc un peu les réactions. Il ne sait pas fermer de porte. Hein. Je dirais c'est pas fermé que sur le porte, hein, sur le coup. Qui ne sait pas fermer de porte avec Béatrice, plus que Victor. Ouais. Donc, ça se voit, en fait. Autant si c'était interne entre les deux, ça aurait pu être oublié, tout ça. Là, c'est au jeu de tous, et tout le monde a un a priori maintenant sur lui. Et je ne sais plus que c'est qui parlait de swap, soit c'était toi, Felouz, soit c'était... Enfin, de swap, de recomposition des équipes. Je ne sais plus si c'était toi, Felouz, ou dans le chat. Si jamais il y a une recomposition des équipes, Victor va vraiment avoir beaucoup de mal, à moins qu'il corrige complètement son image ou qu'il soit dans de très bonnes dispositions sociales avec donc une majorité de son ancienne équipe qui écrase les autres. Il va vraiment avoir beaucoup de mal et en plus il a clairement le profil du mec suffisamment dangereux pour dégager très tôt et suffisamment impopulaire pour ne pas avoir de regrets à le dégager. Donc Victor pour moi et je rejoins complètement Felouz là-dessus, Victor a été de par son ego extrêmement stupide. Et je pense, et j'aimerais, et c'est un peu vicieux de dire ça, mais c'est pas grave, j'aimerais qu'il en paye les conséquences. C'est possible qu'il soit visé par les rouges, par les jaunes et les bleus, en fait. Peut-être pas par les rouges, mais suite en cas de recomposition ou de réunification, qu'il soit visé par les deux autres équipes, en fait. Exactement, parce que, admettons, imaginons que, parce que L'équipe des Rouges est quand même plutôt solide. Si jamais ils ont de grosses victoires, de grosses performances avant une éventuelle recomposition des équipes, les jaunes et les bleus vont forcément s'allier pour essayer de dégager du rouge s'ils sont en ultra majorité. Et Victor peut vraiment être parmi les premiers ouais. Punching ball. Ouais. Bah, ce sera forcément une cible à un moment donné ou à un autre. Ouais. Mais vraiment, pré-merge, avant la réunification. Ouais, rapidement. Ouais. Après, il est très divertissant. Hein. J'ai... Oui, oui bah, on ne peut pas dire le contraire. C'est un excellent personnage. Ouais. Excellent personnage. Ça reste mieux que les personnages fades. Voilà, c'est sûr, d'accord. Mieux vaut ça qu'autre chose. Après, les autres sont fades parce qu'on les a pas montrés. Mais regardez Pascal, premier épisode de Thaïlande, il était fade comme pas possible. Hein. Donc voilà, c'est le premier épisode. C'est vrai que généralement, c'est les gros personnages qu'on montre dès le début. Mais j'aimerais quand même faire un petit tour de table. À part donc les Victor, Béatrice, Maxime, sur lesquels on a déjà un peu parlé, est-ce qu'il y a un personnage, enfin un candidat, qui pour vous vous satisfait et que vous aimeriez voir loin ou que vous voyez aller loin? On va commencer par Cruyff, s'il te plaît. Bah, le personnage que j'ai apprécié le plus, il a été éliminé, donc bon. on en parlera après. Est-ce que tu as un deuxième personnage, du coup Mais le problème, c'est que voilà, on a eu un épisode assez long. Où, au final, la composition d'équipe s'est faite assez tardivement. Du coup, on n'a pas vraiment eu le temps de voir les candidats au niveau de leur équipe. Pour le coup, si un personnage que je devais choisir, je ne sais vraiment pas. Hugo nous dit qu'il adore énormément Chloé, qui trouve qu'elle a un bon montage et qu'on la voit prendre de l'importance dans les épreuves. Jen Ledger qui nous dit qu'Angélique est très prometteuse. Et Shiba, lui, irait encore plus loin en parlant de Béatrice qui serait une future gagnante, un peu à la Laurent de la nouvelle édition, donc qui avait gagné grâce à sa mère, hein, on n'oublie pas. Et Jen Ledger nous parle aussi de Chloé. Alors, je crois que c'est son surnom, son diminutif. Ouais, c'est Chloé. Elle s'appelle Chloé. C'est la footballeuse. Ouais, mais elle s'appelle Chloé, mais tout le monde l'appelle Chloé. C'est comme Philippe et Phil. Ouais, il y a Chloé, c'est bien ça. Il y a Chloé donc, qui est chez les Rouges, et il y a Chloé qui est chez les Bleus. C'est ça. Oui, chez Bleus, pardon. Ouais. On nous parle d'Emilie également. C'est Apollo qui nous parle d'Emilie. Donc, la chef des Rouges. Oui. Elle a l'air très appréciée. Avec le twist des chefs, on a vu une nouvelle nouveauté, si je peux dire. C'est le fait que les deux chefs d'équipe, des adversaires de l'équipe qui va au conseil, peuvent assister au conseil, justement. Donc, on a pu voir Béatrice et Émilie assister au conseil de l'équipe bleue dirigée par Maxime. J'aimerais également avoir vos avis là-dessus. Clément. Alors, moi, je trouve ça super intéressant dans le sens que c'est les donne une ouverture au jeu, en fait. Ils peuvent voir ce qui se passe dans les autres équipes, peut-être trouver des failles s'ils sont en minorité ou des trucs comme ça. Par contre, moi, ce que j'ai moins apprécié, c'est le côté gnangnan d'Emilie et Béatrice qui ont dit « Oh, c'est triste d'éliminer quelqu'un, oh là là, c'est le jeu, ma chérie, hein, au bout d'un moment. » C'est un petit peu Damien, Crush, peut-être. Moi, du coup, je trouve pareil, c'est un excellent twist parce que du coup, c'est quand même bien de pouvoir privilégier un peu les liens comme ça inter-équipe, avoir accès à des infos que tu n'as pas forcément dans les précédentes saisons. Pareil, je rejoins Clément sur le fait que les commentaires, c'était, on sent qu'ils veulent pas se mouiller. Il y a beaucoup, je trouve que chez les candidats de Koh-Lanta, par rapport aux versions étrangères, quand même, nous, qu'on aime bien regarder, il y a beaucoup de frilosité. Et je pense que c'est un élément dans chaque candidat, enfin, plus globalement. Il y a beaucoup de frilosité à jouer dans le jeu. On veut pas se dévoiler tout de suite. Et c'est ce que j'ai ressenti, justement, en écoutant les chefs parler pendant ce conseil. Bah, Cruyff est d'accord. Felouz, est-ce que tu aurais un avis, s'il te plaît? Sur ce twist en lui-même, moi, je pense que c'est un twist qui va servir à rien. Mais oui, effectivement, oui, je suis d'accord avec vous. J'avais fait un petit peu la même analyse. Mais moi, j'y crois pas. J'y crois pas à ce twist. Franchement, j'y crois pas. Certes, il faut obliger les candidats. Je vais ajouter un truc après. Je suis d'accord, mais à mon avis, ça va ne servir à rien. Vraiment à rien. Pour moi, c'est. Enfin, je sais pas. C'est un twist qui aurait été. Enfin, où tout le monde, par exemple, on a un twist pareil dans Survivor, tout le monde aurait été « Putain, mon Dieu, c'est horrible et tout, vous voyez ce qu'ils font ». D'ailleurs, ils l'ont déjà fait, c'est un twist qu'ils ont piqué à Survivor, hein, puisqu'après, c'est toute la tribu qui assiste au conseil avec une récompense de confort. Mais bon, dans l'absolu, on voit que la prod essaye de les forcer à jouer, mais encore faut-il qu'ils montent les stratégies, etc. etc. Ouais. On est loin d'avoir ce niveau-là de jeu. Donc pour moi, c'est un twist. Certes, ça va leur servir, oui, mais on ne verra pas grand-chose de ça. Voilà. Et j'aimerais illustrer ça par une citation de Patrick Bruel. Le plus important au poker, ce ne sont pas les cartes, c'est ce que vous en faites. Et je trouve que dans cette analogie, il y a à peu près ce qu'on reproche dans les twists, c'est-à-dire que c'est très bien, hein, ça rajoute de la nouveauté, de la fraîcheur, tout ça. Mais on donne ça à des personnes qui n'ont pas du tout la vision du jeu compatible avec ces twists-là, et qui du coup vont pas réfléchir par rapport à ça, et ne vont pas se utiliser ça à leur avantage, ce qui donne quelque chose de complètement gnangnan, comme l'a dit Hugo par exemple, sur le chat. Et je crois que Cruyff voulait donner un avis, donc on t'écoute. Ouais, pour moi, il y a trois raisons pour lesquelles le twist ne va pas marcher. De un, il y a la frilosité générale des candidats. Je pense qu'on n'aura jamais un conseil avant la réunification, où ça sera chaud de ouf, où tu pourras vraiment apprendre des choses importantes sur la tribu. On aura souvent donc des décisions plutôt unanimes et donc moins de jeux, parce que je pense que les gens vont avoir peur de jouer alors qu'il y a des capitaines qui assistent au conseil. Ça donne encore plus un aspect, voilà, non seulement je m'expose à ma tribu, mais je m'expose aussi à deux autres tribus. Le fait qu'il y ait deux capitaines qui assistent, ça fait aussi que du côté des capitaines, c'est encore plus difficile de partager les infos ensuite, parce que mentir devient encore plus difficile. On ne peut pas Exactement. Mentir sur des choses qui sont passées au conseil parce qu'on ne sait pas ce que l'autre capitaine va dire. Je suis d'accord. Alors, à noter quand même une certaine réaction de Shiba qui nous dit « Imaginez Yves en chef d'équipe ». C'est vrai que ce serait assez drôle. D'ailleurs, ça, on paiera Yves... pour voir ça, je pense. Oui, ça serait vraiment énorme. Surtout qu'en plus, Yves est encore une grosse référence, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, c'est vrai que bon, c'est les réseaux sociaux, hein, voilà, on sait ce qu'on en pense. Mais dès qu'il y a une nouvelle épreuve, dès qu'il y a une situation, dès qu'il y a quelque chose, il y aura toujours un mec pour mettre une image d'Yves en mode « Ah, ça, c'était ma spécialité, ça, c'est ma spécialité, machin. » Et mine de rien, c'est quand même énorme quel point ce mec est resté dans l'imaginaire des fans de Koh-Lanta aussi facilement. Et moi, en tout cas, c'est pas pour me défaire, en tout cas. Avec son panneau trahison qui était très drôle aussi. Trahison. C'était vraiment... Alors, qui dit conseil dit éliminé, et malheureusement, nous avons perdu un grand. Frédéric nous a quittés. Il a été donc éliminé dès le premier conseil, à la quasi-unanimité. À noter quand même, juste avant, la petite... alors, je vais pas dire magouille, parce que c'est pas un terme approprié. Le joli coup de Maxime qui a mis un vote contre Alizea pour avoir l'égalité en cas de cogné joué. Messieurs, donc vos avis sur le coup de Maxime et sur l'élimination de Frédéric, s'il vous plaît. En fait, Frédéric, il était déjà très très isolé dans sa tribu. Je veux dire, on le voit, il est pris en dernier pour les équipes, sur l'épreuve, on le voit pas trop, mais on sent qu'il est isolé socialement. Et en fait, je trouve que stratégiquement, il a essayé de jouer, donc ça c'est un bon point parce qu'il y a peu de joueurs qui le font. Mais je trouve qu'il partait de beaucoup trop loin. En fait, socialement, pour pouvoir essayer de faire quoi que ce soit. Et on parlait beaucoup, j'entends, le fait que Cindy, elle a été beaucoup critiquée, même parce qu'elle a refusé l'alliance. Mais elle a plutôt bien joué, je trouve, parce que c'est que Cindy, bon, sur l'épreuve, donc déjà, je pense que c'est Maxime qui l'a mal placé sur l'épreuve. Mais surtout, c'est que Cindy est socialement bien insérée dans son équipe et que, du coup, elle pouvait se permettre le luxe de refuser cette alliance avec Frédéric qui l'aurait desservi plus que servi, en fait. Et du coup, Frédéric, pour moi, enfin, je le répète, il partait de beaucoup trop loin pour essayer de s'en sortir. Il aurait dû, je pense, se rapprocher peut-être d'un Brice ou d'un Maxime. Et justement, en parlant de Maxime, je trouve que c'est très bien vu de sa part d'avoir splitté un petit peu les votes avec Alizea. Et comme ça, ça confirme d'autant plus que Cindy n'est pas en danger, contrairement à Alizea, que je verrais bien sortir en cas de second conseil. Alors, je pense que pour Alizea, tout le monde sera d'accord. Par contre, pour Cindy, je pense que t'es vraiment en minorité, Damien, parce que j'aimerais bien avoir l'avis de Felouz, Clément et Cruyff là-dessus, sur Cindy, parce que je vois sur le chat que tout le monde est plus ou moins unanime pour dire que Cindy est très mauvaise. Messieurs, si vous avez quelque chose à rajouter... Alors moi, pour Felouz, Cindy, tiens. Je suis pas d'accord avec le fait qu'elle soit très mauvaise, parce que... Là, on a eu un conseil qui était au final 5-1-1. Si elles avaient voté avec Frédéric, ça aurait fait 3-3-1. Maxime n'aurait pas voté contre lui. Donc, ils auraient viré Frédéric et elles étaient vraiment dans la merde après. Donc, je pense que la seule chose à faire, c'était de voter Frédéric. Elles auraient été en minot, elles se seraient virées. Là, elles ont encore des possibilités, peut-être des portes ouvertes, peut-être avec Claude, je ne sais pas. Pour moi, il y a une chose sur laquelle je vais insister. C'est que je pense qu'il y a quand même une base au niveau de l'équipe bleue qui semble assez sportive. On a un Brice, on a une Clo, on a un Maxime. Je pense vraiment que ces trois-là risquent de rester ensemble. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Frédéric s'est dit « Ah, peut-être que si je vais parler à Cindy et à Alizea, c'est pour leur proposer d'éliminer quelqu'un de ce groupe-là. » Mais voilà, pour moi, Frédéric, de toute façon, il était mort. Ouais, c'est ça. On a le retour du camp, on a Brice qui dit que lui, il va voter Frédéric. Il a eu au moins, j'ai envie de dire pour Frédéric, le mérite d'avoir rendu la fin de l'épisode assez intéressante. Mmh. Bien. Felouz, s'il te plaît. Frédéric, je pense, il a vu trop haut, trop grand, trop tout de suite. Au lieu d'essayer de trouver un compromis, mais ne serait-ce qu'en termes de pensée, avant même que d'aller parler avec les gens. Mais le souci, c'est que tout simplement, Frédéric n'a pas ce qu'il faut, n'a tout simplement pas ce qu'il faut pour pouvoir survivre dans les conditions dans lesquelles il était. Si simple que ça. Voilà. Après, on peut essayer de débattre sur tel machin qui a dit tel truc et tout. Moi, je trouve que bon, c'est toujours la faute. On pourrait dire ce qu'on veut, mais au final, c'est toujours la faute du mec qui amène le plan et qui ne sait pas parler du plan, qui ne sait pas penser le plan, qui ne sait pas comment se positionner soi-même, qui dit lui-même, il va jusqu'à dire lui-même que oui, c'est de sa faute parce que il a été dans son coin pendant la journée où les gens choisissaient qui ils voulaient dans leur équipe. Donc, à partir de ce moment-là, si toi-même tu te mets en retrait, on pourra dire ce qu'on voudra. Moi, je comprends tout à fait Cindy. Cindy, je pense que Cindy n'est pas du tout anti-stratégie. Je suis assez d'accord avec Clément. Moi, je pense que Cindy n'est pas du tout anti-stratégie, loin de là. Je pense simplement qu'elle n'a peut-être pas non plus la stratégie pour, enfin, du moins la pensée stratégique pour pouvoir suivre le plan d'un Frédéric. Aussi, il faut voir autre chose, c'est que Frédéric, c'est quelqu'un qui fait flipper parce que ce mec-là, on le voit chercher un collier. Il fait un peu tout ce qu'il veut, quoi. Il est un peu, enfin, il se présente comme un élément perturbateur. Lui-même se présente comme un élément perturbateur. Enfin, c'est pas du tout l'approche qu'il fallait avoir dans la situation dans laquelle il était. Je dis pas qu'il serait pas sorti sans ça. Peut-être qu'il y aurait eu de grandes chances, 99% de chances qu'il soit sorti. Mais déjà, si au début, même au début, il ne fait pas l'effort à ce moment-là, bah, tu mérites de sortir. Désolé. Et pourtant, j'aime bien Frédéric, comme je l'ai dit sur le forum. C'est quelqu'un qui, je pense, est très sympathique. C'est quelqu'un qui est marrant. Ça, c'est sûr. Mais voilà, il a tout simplement pas ce qu'il faut pour jouer Koh-Lanta. C'est tout. Alors, je pense que il y a eu une réaction sur nos forums. Donc, on rappellera le forum tout à l'heure, surtout les forums de Koh-Lanta. Une réaction hostile vis-à-vis de Cindy parce qu'en fait, la décision de Cindy a entraîné l'élimination sûre et certaine d'un candidat qui correspondait aussi un peu à notre vision du jeu. C'est-à-dire que c'est un candidat qui apportait de la stratégie, qui n'était pas contre. Et le fait de perdre un mec comme ça dès le début, ça a dû frustrer beaucoup de personnes. Là, je pense à Hugo, je pense à Jen Ledger, je pense à toutes ces personnes-là. Voilà, donc Hugo qui est comparé à des plantes. Moi, j'aurais envie de leur répondre. Je pense vraiment que tous les candidats, je pense vraiment que, enfin, peut-être pas tous les candidats, mais beaucoup des candidats ne vont pas dire non à la stratégie. Moi, je le pense. Je pense que ce ne sera peut-être pas forcément montré, etc., etc. Mais vous savez, c'est pas parce qu'un mec parle de stratégie que le reste n'est pas stratégique. Moi-même, si je devais jouer Koh-Lanta, j'irais pas dire dès le début « Ah, je suis un stratège assumé ». C'est une connerie. Il faut pas dire « Je suis un stratège assumé », c'est débile. Ouais. Ça, tu le dis au fur et à mesure de l'aventure, quand les gens ils commencent déjà à être un petit peu abattus, etc., etc. Là, tu commences à les tenir. Là, tu peux tenir ce genre de discours, mais tenir ce genre de discours au début d'aventure, quand on sait très bien que la stratégie est quand même mal vue. Enfin, quelqu'un qui va se montrer stratège dès le début va être mal vu, excusez-moi, mais c'est justement ne pas être. Faire c'est ne pas être stratégique de faire ça. C'est être un kikou stratège, ce qu'on appelle un kikou stratège. Ça veut dire que le mec, il arrive. Bon, t'as des mecs comme Maxime qui l'ont très bien fait, mais quand on regarde Maxime, il a tenu 3-4 épisodes et ensuite il s'est écroulé. Il s'est écroulé. Ben oui, parce que c'est. Maxime de Raja Ampat. Hein. Ouais. Voilà, Maxime de Raja Ampat, il s'est écroulé parce qu'il a tenu tout. Alors certes, il a été marrant, moi, il m'a fait rire, Maxime, il était marrant, et c'est cool, son approche du jeu était cool, mais il n'avait pas ce qu'il fallait pour tenir ça sur la durée. Et on l'a vu, il a mal choisi ses alliés avec Florence, il en a trop fait, il en a trop dit. Vous savez, il faut partager les informations dans Koh-Lanta, c'est vraiment... Il y a plein de gens qui pourraient dire « je suis stratégique » et qui sont stratégiques. Mais seront-ils des bons stratèges pour autant ? Rien n'est moins sûr. Je pense que Frédéric est stratégique, oui, parce que ça se voit dans ce qu'il dit sur le jeu, notamment ce qu'il dit sur les poteaux, quand il dit bah il vaut mieux jeter l'épreuve plutôt que de rester comme un con sur son poteau, parce qu'ensuite on montre aux autres que plus tard on risque d'être un danger pour les poteaux. Bah oui, c'est stratégique, et bien sûr que oui, ça se voit que c'est une personne stratégique. Mais est-il un bon stratège pour Koh-Lanta ? Non. Non, on l'a vu. Il y a un exemple qui me vient en tête pour confirmer ce que tu dis, c'était Laurent. Dans KL, alors la KL 16, il me semble, la saison de Benoît. Qui est éliminé par Lowe et Benoît parce qu'il avait voulu éliminer Lowe. Exactement, c'est absolument ça. Donc dans l'île au trésor, Laurent qui se définissait comme stratège dans son portrait, tout ça, et qui au final était absolument mauvais, et qui s'est fait têche d'ailleurs pour ça. Et également Benoît dans KL 15, justement, non, dans Johor, KL 14. Oui, 14, je crois. Benoît qui, pareil, s'est fait têche en voulant à tout prix éliminer Loïc. Ouais, alors que il aurait dû suivre son dé... c'est la majorité, quoi. Bah voilà, Et Alban évidemment. partait tranquillement, quoi. Ouais. C'est comme Sandro aussi qui n'a pas su gérer, qui n'a pas su se remettre dans l'ombre, qui en a trop fait, qui a eu un ego démesuré, alors que pourtant, sur le papier, effectivement, on l'a vu, on a vu qu'il pouvait être un bon stratège. Après, pour Sandro, c'est différent parce qu'il y a eu l'élimination de Manuela qui a tout cassé. Sandro, il y avait quand même aussi le. Oui, certes, l'élimination de Manuela, mais ce qui s'est quand même passé, c'est que Sandro, je pense, aurait pu faire mieux et en a beaucoup trop fait, en fait, notamment avec le bluff lors de l'épreuve de confort. Il a complètement, qui a complètement annihilé ses chances de pouvoir participer. Je pense que c'est arrivé à bon nombre de joueurs, ça, d'en faire trop une fois qu'ils ont réussi à faire un très bon coup. Alors que, et l'exemple de Marc nous le confirme, c'est que quand tu as été un minimum stratégique, toujours essayer de rester dans l'ombre pour attaquer de manière plus subtile, ça fonctionne. Alors, socialement, Marc a énormément de points sur lesquels on peut lui reprocher des choses, mais force est de constater que Marc a été beaucoup plus subtil et que c'est cette approche-là qui, au final, te donne le plus de chances d'aller au bout. Et on peut le voir avec plein de gagnants qui ont été Marc a très bien joué. complètement effacés par le montage. Il y en a deux qui me viennent à l'esprit. C'est Hugo de KL12 et c'est Gérard de Raja Ampat. Ont eu de l'impact dans les votes, ont été stratèges, mais qui n'ont pas été dessinés comme tels parce que pour éviter de les voir comme des mauvais candidats, parce qu'ils correspondaient à une certaine caste de profils parfaits pour être gagnants. Approche, tout simplement, il y a différentes sortes d'approches dans le jeu et chaque Ouais. approche est différente selon les natures des gens. Si vous voulez, peut y avoir un leader, on va dire un leader qui va rouler sur le jeu, qui va prendre les rênes du lead. Par exemple, je pense notamment à Tom, qui va prendre les rênes du lead et mais qui sont aussi servis passe par la prod, vous voyez, parce qu'ils vont pas faire, il va pas y avoir de swap, va pas y avoir de trucs comme ça. Mais c'est tellement rare. Je veux dire, c'est pas forcément la bonne approche pour aller vraiment loin, sauf si on a la nature et l'énergie suffisante pour pouvoir tenir la distance. Bah, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est Bertrand. Bertrand est un très bon exemple. Ouais. Bah, du coup, je vous propose, étant donné qu'on a plus ou moins dressé ce bilan de l'analyse du premier épisode de Fort Belle Manière, je vous propose de terminer avec un petit jeu sympathique. Je vous demander de me dresser un top 3 des candidats que vous voyez sortir au prochain épisode. Et ce sera donc notre jeu tout au long de ces podcasts. C'est-à-dire que à la fin de chaque podcast, nous allons dresser un top 3 des candidats que nous voyons partir au prochain épisode. Et je donnerai des points correspondants au classement que vous avez attribué à ces candidats-là si jamais ils sont éliminés au prochain épisode. Vous allez donc me faire une liste de trois candidats. En un, donc, le candidat que vous voyez partir avec le plus de chances de partir. En deuxième, le candidat avec la deuxième plus grande chance de partir. Et enfin, en troisième, le candidat avec la troisième plus grande chance de partir. Sachant que vous allez recevoir des points si jamais vous avez trouvé l'éliminé. Si vous avez mis l'éliminé en premier, vous empochez 3 points. Si vous avez mis l'éliminé en deuxième, vous empochez 2 points. Si vous avez mis l'éliminé en troisième, vous empochez 1 point. Et au final, ce sera le candidat avec le plus de points qui remportera ce petit jeu qui pimentera nos podcasts. Donc Hugo a posté son top 3, Apollo également, Angel également. Qui veut commencer? Alors, en premier, je pense qu'on va voir l'équipe, pas forcément l'équipe bleue perdre, même si je pense que Alizé a le plus de chances de partir chez les bleus, donc je vais passer en troisième, moi. En deuxième, je mettrai Maud pour l'équipe rouge au cas où s'ils perdent, parce que Chloé l'a quand même prouvé sur les poteaux et puis sur l'épreuve qu'elle avait des chances. Et en première, je sais pas, du coup chez les jaunes parce que c'est ceux que je vois aller au conseil, même si c'est l'équipe que je préfère, moi je dirais Karine. Trouvez Damien Felouze, voulez-vous donner votre top, s'il vous plaît? Alors moi, du coup, je pense Alizéa, déjà chez les Bleus. Ensuite, je vais dire Alizéa, Cindy, parce que pareil, je pense que si c'est pas Alizéa, ce sera Cindy. Et sinon, je vais rejoindre Clément. Si c'est les jaunes, je pense que ce serait Karine. Donc Alizéa, Cindy, Karine. Felouze? Alizéa aussi en 1, bien sûr. Hein. En 2, comment, Cindy. Et puis en 3, je ne sais pas qui mettre. Je vois surtout les deux là, je vois surtout les bleus perdre deux fois d'affilée et tège les deux. Donc. Donc Et je nickel. soutiens Angélique personnellement, je l'ai pas pu le dire là tout à l'heure, ça m'a frustré, mais moi je suis pour Angélique pour l'instant. Ah, mais très Ah ouais, bien, écoute, hein, d'ailleurs, ce faut sera confirmer. intéressant, oui, justement. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des personnages qu'on aimait, quoi. Ouais. Bah en fait Cruyff a pu le dire mais il la savait pas et du coup après il est passé direct au spectateur tout à l'heure. Et Mais pour la petite on peut refaire anecdote. un point, hein, dessus. Hein. On peut refaire Bah un petit justement, moi point, on peut en je parler. serais OP pour faire un point. Justement, parce qu'on peut, on on parle d'Angélique, enfin Clément parlait d'Angélique, et c'est vrai qu'Angélique, bah, enfin, moi je trouve qu'on n'a pas vu grand-chose d'Angélique. Par contre, c'est vrai que son portrait cool. peut être intéressant parce que c'est le portrait, c'est elle a, on peut dire qu'elle a les trois trucs qui peut faire, enfin, qui sont en général pas mal dans Koh-Lanta. Donc, elle dit qu'elle a, enfin, qu'elle est championne de pêche, je crois, championne de France de pêche, je sais pas quoi. Ouais. Elle dit aussi autre chose, je sais plus ce qu'elle dit. Elle participe au championnat d'échecs. Et voilà, elle a fait de la musculation. C'est une sportive. Voilà, c'est une sportive. Donc, on peut dire, c'est, voilà, c'est la triple menace du jeu. Enfin, pêche, c'est pas une menace, quoi. Ça peut être, enfin, du moins pour Koh-Lanta, voilà, il manque le social, mais on peut dire que dans Koh-Lanta, c'est quand même assez impressionnant parce que si elle maîtrise le sport, qu'elle en plus, elle sait pêcher et qu'en plus, elle est stratégique, ça fait quand même déjà pas mal sur le. Enfin, sur le tableau de bord, quand même. C'est déjà joli. En plus, c'est une fille. Donc, ça peut être intéressant de la voir évoluer, peut-être. Après, on attend de voir. Après, ça peut être aussi important. À la Elodie de Kael, où elle se présentait, on a l'impression, tout le monde disait, c'est la Syrie française, etc., etc. Donc, pas du tout. Donc, est-ce que c'est un truc dans ce genre-là ou pas? J'en sais rien. Laquelle, Elodie? La boulangère? Non, Elodie, c'était, je sais plus dans quelle saison c'était. Enfin, elle s'est fait têche très très vite, mais je sais pas. Alors, pour nos téléspectateurs, quand on parle de Syrie, on parle d'une candidate mythique de Survivor. Voilà. Et c'est vrai que oui. Elodie avait quelques traits, notamment sur les traits physiques avec elle, donc c'est vrai qu'on aurait pu y croire, mais bon. Mais non. Je me rappelle plus d'Elodie. Voilà. Non, au moins, elle n'a servi strictement à rien. Mais c'est parce qu'elle n'a pas été éliminée en première. Elle est dans... C'était la saison avec qui a gagné à cette saison-là? Je sais plus. 12. Je me rappelle même plus dans quelle saison elle était, en fait. C'est quelle saison? Quel 12? Ah, c'était pas Koh-Lanta 12? Bah, si. Oui, je viens de lire. Donc c'était une boulangère. Et boulangère. Donc, bah, peut-être qu'elle était boulangère, je sais pas. Bah, elle était virée en première. Oui, elle a été éliminée des jaunes. Il y a eu un abandon médical. Elle est allée chez les rouges et elle s'est fait têche. Voilà, elle s'est fait têche. Elle s'est fait têche deux fois. Son fils, j'en parlais tout à l'heure d'ailleurs, la Charentaise, c'était la Charentaise et son fils, il s'appelle Dexter. Oui. Et John Ledger nous le confirme, c'était pas Elodie, oui, la boulangère, c'était Mélanie. Oui, elle était nulle, wesh. Oui, elle était nulle. Bah, Kael 12, à part l'animation de Mickaël, il n'y a pas grand-chose à mettre sous la dent. Quel autre personnage il y a eu qui... enfin, elle ne m'a pas marqué, Angélique, mais en fait, c'est plus son portrait qui m'a marqué qu'autre chose. Mais... Après, il y a Xavier, Béatrice, hein, comme personnage sympatoche. Béatrice, je pense, peut être une candidate aussi assez intéressante, je pense. Moi, j'y crois assez à Béatrice. Moi, j'ai bien aimé comme elle a managé les jaunes. J'ai bien aimé... Je trouve que c'est peut-être elle qui s'en sort le mieux en tant que chef, bien que le montage insiste pour dire que voilà, personne ne veut être avec elle, mais je trouve que justement, parce que personne ne veut être avec elle, ça fait qu'elle se met pas trop en avant et que du coup, finalement, c'est peut-être elle qui va s'en sortir le mieux d'un point de vue chef, sans parler évidemment de l'autre personne qui est chef, je sais plus son nom. Émilie. Voilà, Émilie qui aussi, je pense, pas mal. Et le pauvre Maxime, qui, à mon avis, risque d'en payer le prix fort, peut-être pas tout de suite, mais bientôt. Alors, je vais prendre quelques impressions de spectateurs. Jen Ledger qui nous dit que le mec qui fait du parcours a l'air sympa. Il me semble que c'est Aurélien. Aurélien, oui, qui a l'air pas mal. Il y en a un aussi que... Alors, Freeze l'appelle Tortue. Sur le review de Topito, je sais pas. C'est Nicolas. Nicolas. Ah, ouais, Nicolas, il a l'air pas mal. Le Belge, il est Belge. Ouais. Ouais, c'est le footballeur, ouais. D'accord. Pas mal, mais pour l'instant, rien ne m'a. Sinon, il y a. Moi, un candidat qui me plaît, c'est Chloé, qui est pas forcément sportive, mais qui a quand même réussi à être très fort dans les deux épreuves. Oui, Mohamed est pas mal. Mohamed est marrant. Bon, après, voilà quoi. Bon, enfin, moi, un peu discret pour l'instant, oui. Un peu discret, ouais. Il est pas mal. Je pense qu'il sera joueur. Je pense qu'il sera joueur. Je pense aussi, ouais. Il a l'air beaucoup plus ouvert. Et il n'est pas du tout dans le cliché. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés de candidats dans Koh-Lanta. Il n'est pas dans le cliché de l'arabe de service qui est là pour dire des wesh-wesh tout le temps. Un peu comme on avait eu avec Mohamed dans KL5. Même si j'adore Mohamed KL5, c'est vrai que c'était un peu ça avec l'épisode de la chèvre. Et du coup, ouais, c'est assez intéressant d'avoir ça. Je disais ouais, qu'il y a souvent comme ça dans Koh-Lanta des Maghrébins qui ont 30, 40 ans. Moi, je me rappelle de il y avait Kader, bon, il y a Nessim qui est peut-être un petit peu plus jeune. Et en Yassine. général, ouais, bah, il y a Yacine, voilà. Et c'est souvent des personnages comme ça qui sont pas trop stratèges, donc dans ce cliché-là. Mais Mohamed, du coup, je pense que son social et son ouverture peuvent en faire un très très bon joueur, oui. Enfin, en tout cas, je le surveille. Oui, je pense. On oublie un, avec Hakim qui est absolument mythique dans Koh-Lanta 8. Oui, C'était Charonne. le seul candidat intéressant de Koh-Lanta 8. Hein. Oh, il y avait Même pas Jean-Bernard. Bertrand quand même. Ah non, pas Jean-Bernard, putain. Non, moi j'aimais bien Charlène, moi elle était trop Il y avait chou. Christophe quand même. Ouais, c'est Christophe. vrai. Il y avait Abdellah également. Ouais. Abdellah dans KL10 qui avait été très vite visé par Claude et qui a été éliminé en début de réunification. Que, il n'avait pas l'air du tout faux, Abdellah, il avait l'air plutôt correct. Mais bon. Bah, c'est juste qu'il était pas dans la stratégie. Il était pas dans la stratégie, quoi, dans des autres. Il a voulu aller voir Marine et Aurélie, Abdella. Et donc c'est ça ce qu'il a perdu aussi. J'aimerais aussi qu'on revienne sur l'absence de générique. La raison, alors ça, on aurait pu en parler dans les poteaux à 21 là, mais bon, l'absence de générique, quand même, c'est quand même une première dans l'histoire de Koh-Lanta. Hein. J'espère que ça va pas devenir une mode comme dans Survivor, parce que moi j'aime bien avoir mon petit générique avant. Surtout que la raison évoquée par la prod est que c'était à cause pour garder l'intensité donc du début du jeu. Quelle intensité? J'aimerais bien savoir. Je sais pas, est-ce que quelqu'un a ressenti de l'intensité dans le Non. jeu? Ouais, non, j'ai trouvé qu'ils avaient essayé de faire quelque chose. Ils avaient essayé de tenter quelque chose, mais j'ai trouvé ça très chelou, justement au niveau du rythme, c'était très bizarre et tout. Ouais. Enfin, c'est. Après, je pense que ça apporte quelque chose dans le fait, c'est que on a moins d'informations, donc on sait moins ce qui va se passer, donc ça apporte du suspense. Parce que dans le générique, on apprend toujours plein de trucs, genre qui gagne des immunités, des trucs comme ça, alors que là, on n'a rien. C'est même plus intéressant dans un certain sens. Après, moi, c'est vrai Alors, que moi. ce que je reproche quand même, c'est que le générique est censé un peu nous faire une présentation en détail. Et je suis désolé, ça fait aussi partie des symboles du programme. Et que, ouais, un petit générique, sans forcément nous montrer une myriade d'images comme ils le font d'habitude, je pense que c'est bien quand même. Alors, Peut-être qu'ils vont moi, virer Frédéric du générique. il y a un truc, ouais. Moi, en fait, au début, quand j'ai vu les poteaux arriver en premier, je me suis dit, ah, tiens, cool, ils changent la formule, c'est pas mal, ils rentrent direct dans le bain. Pourquoi pas? Et moi, en fait, j'ai cru que voilà, ils allaient montrer enfin, la tête, gros plan sur la tête des 21 candidats, et qu'ensuite Denis allait sortir sa fameuse réplique au départ, ils sont 21, à la fin, il n'en restera qu'un, et ensuite, ils auraient balancé le générique. Ouais. Pour moi, ça aurait été une bonne intro. Alors après aussi, pour répondre aussi, parce que c'est vrai qu'effectivement, je suis d'accord, le générique contient des spoilers, mais il pourrait aussi faire un générique sans spoiler. Survivor fait et a fait pendant des années des génériques où il n'y a pas de spoiler. Pourquoi D'accord. ALP ne pourrait pas faire des génériques sans spoiler? Pour leur faciliter la tâche, pour le générique, ils mettent uniquement là où ils sont sur les poteaux avec le blaze en dessous, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, voilà, t'as Alors, je raison. vais prendre quelques réactions de téléspectateurs. Jenager qui nous dit que l'absence du générique est une bonne chose, même si cela spoile toujours, notamment. Après, les autres réactions, c'est sur les anciens candidats, donc on a déjà reparlé, donc pas besoin d'en reparler. Mais écoutez, messieurs, c'est sur ces tendres mots que nous allons clôturer ce premier épisode d'Autour du Feu. Alors, Felouz, Damien, Clément et Creuf, qui n'est plus là pour continuer, je vous remercie d'avoir Bah, accepté merci à d'intervenir toi. pour Bah, merci l'épisode également. 1. Bisous. Et Bisous. je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci à vous. Merci à Quant toi. à nous, chers Merci à spectateurs, toi. on se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse de l'épisode 2 de Koh-Lanta. C'était Autour du Feu. Très bon après-midi à tous.